nous sommes les vecteurs de nulle part vers ici, de maintenant pour ailleurs. Diapason vivant de l'harmonie, les pieds au bord du monde, les cheveux vers l'au-delà. Nous entrons dans la ronde, ouverture de plus fin de l'univers, plein informé, noyé d'inconnu, de tout temps n'existe plus. Écartelé du néant à maintenant, notre déchirure accouche du présent. Nous en brisons enfin le dôme, mettant à mort cette solitude, nous rejetons notre complétude. L'absolu des sentiments, mais de leur puissance rien ne reste. Éloigné du vivant, loin du présent, entre les pattes du sphinx levé, seule certitude à les questions, jalonnant notre évolution, se maintient et s'affirme la créativité, formateur du brouillard incréé, égaré entre l'erreur et la peur. Nous n'en sommes pas moins.